إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 7 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sharh Kitab Adab al-Mashi ila al-Salah, c'est-à-dire le livre de fiqh qui s'intitule les manières de la marche vers la mosquée. C'est le titre du livre en arabe, mais bien entendu c'est un livre de fiqh. Et ça ne parle pas seulement de la salat, ça parle aussi des règles de la zakat et du jeûne. On est encore dans les règles de la salat. Donc aujourd'hui on continue donc avec la suite de ce qu'on a expliqué hier. Le cheikh, l'auteur, il mentionne, après on lit les explications du cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit wa qawluhu thumma yubasmil sirran wa laysat min al-fatihati wala ghayriha bal hiya ayatun min al-Qur'an qablaha wa bayna kulli suratayn siwa bara'a wal anfal. Donc le Cheikh explique que par la suite, après avoir fait le dua de l'istiftah, après avoir fait le dua de l'introduction dans la salat, l'ouverture de la salat, là tu vas dire Bismillahirrahmanirrahim. Ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-basmala. Al-basmala. Et les arabes, ils ont une habitude comme ça, parfois c'est comme on dit des abréviations en français, de réduire une phrase en un seul mot. Comme par exemple le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, au lieu de dire la phrase au complet, ils disent par exemple que ça c'est al-basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, le fait, quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, ils disent al-hawqala. Quand tu dis par exemple التعوذ، كانت تقول يدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ هو الاستعاذة، يعني il résume la phrase dans un seul mot. Et donc quand il dit يبسمل، ça veut dire il dit بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Donc il dit سرا، c'est-à-dire il le dit pas le بسم الله à haute voix. Il le dit à voix basse. Et il explique le cheikh que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Et que ça ne fait pas partie non plus des autres sourates du Coran. C'est un verset du Coran qui, il dit, c'est plutôt un verset du Coran qui est placé avant la sourate. Ou bien entre deux sourates, excepté la sourate Bara'a. Sourate Bara'a, c'est celle qu'on appelle aussi Tawbah. Donc quand vous regardez dans le Coran, sourate 9, elle ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Donc entre Bara'a et Al-Anfal, il n'y a pas de Basmala. On va lire l'explication maintenant de ça. Le Cheikh, il a résumé l'explication sur ce sujet-là en quelques points. Donc on va lire les différents points qu'il a mentionnés. Premièrement, دليل قراءة البسملة سرا حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه مسلم. Donc le premier point c'est la preuve au sujet du basmala que tu le dis à voix basse. Tu ne le dis pas à voix haute. C'est-à-dire quand tu termines, tu fais le takbir, tu fais ton dua. Après, quand tu commences, avant de réciter le Fatiha, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Tu ne le dis pas à voix haute. Et ici, la preuve qu'il a rapportée, c'est un hadith rapporté selon Anas par l'imam muslim, dans lequel il dit j'ai prié derrière le messager d'Allah, derrière Abu Bakr, derrière Omar et derrière Uthman. Et je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux dire à haute voix, quand il récite, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Donc ça, c'est la preuve qu'il a mentionnée. Donc ça, c'est aussi une divergence entre les madhahib. Il y en a qui disent qu'il le récite à haute voix, il y en a d'autres qui le récitent à voix basse. Mais le cheikh, la position qu'il a ramenée, c'est celle-là. Et il a ramené le dalil. Pour supporter cette position-là, c'est ce hadith. Après, le cheikh il mentionne comme deuxième point al-basmala ayatun min al-Qur'an. Yani, wa hal hiya ayatun min kulli sura aw ayatun mustaqilla lil-fasl bayna as-suwar. Wa hal hiya ayatun min surah al-Fatiha aw laysat minha. Aqulu li ahli al-'ilm أقوال أهل العلم أو أقوال لأهل العلم. Donc le cheikh explique que le basmala, le fait de voir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est un verset dans le Coran. Est-ce que c'est un verset de chaque sourate ou est-ce que c'est un verset indépendant pour séparer entre chaque sourate et est-ce que c'est une ayah qui fait partie de surat al-Fatiha ou bien elle ne fait pas partie de surat al-Fatiha. Aqwalun li ahli al-ilm. C'est-à-dire, ça c'est différentes positions, différentes opinions parmi les hommes de science. Certains disent elle fait partie de l'Fatiha, certains disent elle ne fait pas partie de l'Fatiha. Et donc c'est ça. Et bon, comme les ulama ils expliquent que ceux qui calculent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme faisant partie de la Fatiha, ils divisent. C'est-à-dire ils vont calculer le premier verset comme étant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui ne calculent pas le basmala comme faisant partie de la Fatiha, ils calculent que la dernière ayah dans surat al-Fatiha, illa alladhina amanu ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin, il la divise en deux. Donc, ça fait pour que ça fasse en fait les sept versets. Parce que on appelle la Fatiha As-Sab'ul Mathani. Donc, ceux qui l'incluent dans le basmala dans la Fatiha, il ne sépare pas le dernier verset. Il le calcule comme un seul. Ceux qui ne calculent pas le basmala comme faisant partie de la Fatiha, ils divisent le dernier verset en deux parties. Et donc ça fait 6 et 7, le verset 6 et le verset 7. Le cheikh il dit وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الصَّحَابَ أَدْخَلُوهَا فِي الْمُصْحَفِ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِيهِ إِلَّا مَا هُوَ قُرْآنِ. La preuve que c'est un verset et que ça fait partie du Coran, c'est que les sahaba l'ont inclus dans le mushaf. Et ils n'ont rien fait rentrer dans le mushaf, et ils n'ont rien écrit dans le mushaf, excepté ce qui fait partie du Coran. Il dit وَجَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أن في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم. ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ولم يذكر البسملة. Donc le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est rapporté dans Sunan Abi Dawood avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète صلى الله عليه وسلم il ne savait pas où séparer les deux sourates, c'est-à-dire où est-ce qu'elle était la séparation entre deux sourates, excepté lorsque Allah lui révélait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ça c'est la preuve que ça fait partie du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait où se terminait et où débutait chaque sourate. Le cheikh il dit wala khilafa, il n'y a pas de divergence entre les ulama au sujet que al-basmala c'est un verset parmi les versets de Sourate An-Naml. Dans Sourate An-Naml, il y a l'histoire de Suleyman avec la reine de Saba, Belkis, quand elle reçoit la lettre de Suleyman, elle dit: cette lettre vient de Suleyman, et elle dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc dans le verset il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui est al-basmala. Donc ça c'est clair que ce basmala il fait partie de la sourate en question. De même que sourate al-Fatiha, sourate al-Fatiha, elle est sab'u ayat, elle est de sept versets comme je disais tout à l'heure. Et tu disais quelque chose? Oui, c'est ça. C'est ça. Et parmi les ulama, ils disent que Al-Basmala fait partie des sept versets. Il y en a d'autres ulama qui disent non, elle ne fait pas partie des sept versets. Et ceux qui disent qu'elle ne fait pas partie, ils ont séparé les derniers versets en deux. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin, ça c'est un verset pour eux. Et parmi les preuves qu'elle ne ferait pas partie de la Fatiha, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: j'ai séparé la salat entre moi et mon serviteur en deux parties. Et quand tu regardes la Fatiha, elle est divisée en deux. Une partie c'est la glorification d'Allah, puis l'autre partie c'est la demande que le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur m'a glorifié, et ainsi de suite. Donc tu vois que Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ça c'est toutes des glorifications. Et aussi quand tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ça aussi ça c'est là ici que le serviteur il commence à demander ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Donc la première partie c'est de la glorification, puis l'autre partie c'est la demande. Le serviteur il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est comme ça que certains ulama ont dit, comme ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira selon l'imam muslim, le hadith Qudsi, il ne mentionne pas au début le basmala. Il mentionne tout de suite Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ceux qui disent que ça ne fait pas partie, le basmala ne fait pas partie de la Fatiha, ils se basent sur ce hadith-là par exemple. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va expliquer le reste. Il dit: wa qawluhu وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. Donc Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il dit que il est recommandé de l'écrire au début des livres. Quand tu écris une lettre ou un livre ou quelque chose, tu commences par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme Sulayman dans l'exemple dans Surat al-Naml, lorsqu'il a écrit la lettre, il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres aux différents rois de son époque, il commençait par Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ainsi de suite. Et il dit que on peut la mentionner avant chaque action qu'on fait. Chaque chose qu'on fait, on commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que c'est une parole qui chasse le shaytan. Elle chasse le diable. Et l'imam Ahmed a dit, on ne la mentionne pas avant un poème ou des choses semblables. Et on va voir pourquoi dans l'explication de Cheikh Abdul Mohsin. Le Cheikh il dit وكما يأتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في أوائل الكتب بالبسملة يعني والرسائل وفي ابتداء الأفعال. والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة وطردا للشيطان. Donc de la même manière le musulman il va commencer par le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la récitation et également au début des lettres, au début, dans l'introduction des lettres, et avant de faire n'importe quelle action. Hein, parmi les bonnes œuvres, tu commences par Bismillah. Et la signification de ça, c'est que tu commences par le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour yani, mettre la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais. Et également pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide d'Allah dans la récitation, dans la lecture que tu fais, et également yani, dans n'importe quelle autre situation, n'importe quelle chose que tu désires faire, tu commences par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant, pour la baraka, pour chercher l'aide d'Allah et pour chasser le diable aussi. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, le deuxième point à ce sujet, وما ذكره المصنف عن أحمد أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معه وكذلك لكون الشعر مظنة للهجوء والفحش وسيء القول فإذا كان الشعر في حق ودعوة إلى هدى وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك أو تأليف في العلم نظما فلا بأس بالإتيان بها قبله أو فيه. Donc le cheikh il explique que l'auteur il a rapporté de l'imam Ahmed qu'on ne doit pas écrire le basmala devant le poème ou des choses ou bien avec dans le poème aussi. Et la raison de ça c'est que le poème c'est quelque chose dans lequel il y a souvent des satires, hein, des attaques, des paroles parfois qui sont peut-être pas polies ou propres, hein, ou des mauvaises paroles, des choses comme ça. Et donc à cause de ça, les ulama ils disent écris pas le basmala dans le poème. Mais le cheikh il dit que par contre si le poème que tu écris c'est un poème de vérité dans le but d'appeler à la guidance, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de défendre l'islam, hein, ou bien dans un livre, hein, un livre de science islamique, ou dans une versification d'un livre, parfois tu vas prendre un livre de science puis tu vas le mettre sous forme de vers. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de dire le basmala, hein, avant de commencer, ou bien à l'intérieur du poème lui-même, hein, tu peux. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Le cheikh, il mentionne également comme un autre point, من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لم أبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وفي لفظ وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله له عند دخوله. Donc سبحان الله, la preuve que le basmala il chasse le diable, c'est le hadith rapporté par Muslim dans son sahih selon Jabir, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si l'homme rentre chez lui et qu'il mentionne le nom d'Allah lorsqu'il entre et avant de manger, le shaitan dit: vous n'avez pas trouvé de gîte ici, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, hein, passer la nuit ici et vous ne trouvez pas le souper non plus, hein. Mais si la personne ne mentionne pas le nom d'Allah lorsqu'il entre, le shaitan il dit: vous avez trouvé un endroit pour dormir. Et s'il ne mentionne pas avant de manger, il dit: vous avez trouvé l'endroit pour dormir et pour manger, hein? Donc ça montre l'importance de dire le basmala quand on rentre et avant de manger. Et il dit que dans une autre narration, s'il ne mentionne pas le nom d'Allah lorsqu'il mange, hein, et s'il ne le mentionne pas lorsqu'il entre, eh ben, c'est là qu'il trouve, le shaitan il a trouvé, hein, un endroit pour dormir cette nuit-là, et il a trouvé quelque chose pour manger. C'est comme si on le fait participer avec nous dans notre nourriture et dans notre maison. Donc le dernier point qu'on va lire aujourd'hui, c'est le cheikh il dit ensuite: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Donc le cheikh il explique que ensuite tu récites la Fatiha en ordre et les versets l'un à la suite de l'autre. Et c'est un des piliers parmi les piliers de chaque raka'a. C'est-à-dire que si dans une raka'a, ou bien dans la salat en elle-même, tu oublies la fatiha, dans ce cas-là, ta prière ne sera pas valable. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas récité la fatiha du livre. الشيخ عبد المحسن يكسبلك ساون ديزان ويقرأ المصلي الفاتحة مرتلة لقول الله ورتل القرآن ترتيلا, يعني مرتبة بأن يأتي بكل آية بعد التي قبلها مشددة, يعني وفيها 11 تشديدة, ويعني والحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت. Donc il dit tu récites la Fatiha, hein, tu la récites comme, yani, correctement chaque verset un après l'autre, yani, tu la récites correctement et tu prends ton temps pour entre chaque verset. Hein, tu t'arrêtes entre chaque verset, tu ne la lis pas d'un trait comme certains. Ils prennent la Fatiha du début jusqu'à la fin dans un seul trait. Ça, ce n'est pas la sunna de faire ça. La sunna, c'est de réciter chaque verset l'un après l'autre. Hein. Et le hadith qui est mentionné par le cheikh Mohammed n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ubadat ibn Samit. Et donc, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va s'arrêter ici parce que la suite, c'est en fait le tafsir, un petit tafsir de Surat Al-Fatiha que le Cheikh il va faire. Donc, on va s'arrêter maintenant. Puis demain, on commencera la lecture de cette petite explication, incha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.